Les jeunes, mes petits clients, ne partez pas, ne partez plus. Il nous en reste encore. On en a des bien entamées. Elles sont bien, bien fines. Je vous rappelle qu'elles s'épilochent à l'usure. Bon, sérieux, là. Hein? On a eu la tablette tactile. On a eu l'iPad Pro. Xbox de Guinée. Oh là là là là là là, ils sont en train de me dévaliser la boutique. Ça dérange pas quand ça coupe. Ça dérange pas quand ça craque. Allez, faut me faire de la pub. Faut me les terminer, faut que ça coupe. Coupez, coupez, c'est bon. Allez, venez m'annoncer les gagnants. Venez m'annoncer les gros lots. Choisissez bien les ficelles les plus entamées, bien sûr. Faut absolument que ça coupe. Allez, faut absolument que ça craque. Bon, futur champion. C'est que je les repère de loin. On attendait justement quelques champions, quelques bons tireurs encore parmi nous. Et on fait des petits cadeaux, on fait des petites promos. On va les encourager. Ça dérange pas quand ça craque. Ça dérange pas quand ça coupe. Allez, coupez, coupez. C'est bon. Bien ici. Essaye de pas trop l'allonger. Centré. Bien groupé au même endroit. L'endroit le plus entamé. Allez, j'annonce ceux des gagnants. On fait les petits cadeaux. Les jeunes, on va les encourager. On a l'iPad, on a l'iPhone, on a les Mac. On a la PS5 à terminer. Oh! Oh là là là là là là, hop, voilà gagné. Voilà gagné, ça c'est cadeau. Ça c'est bien joué. Un iPad encore, ça c'est coupé. Voilà gagné. Oh là là là là, on a eu la tablette tactile. On a eu la montre connectée. Ça vient de tomber, les jeunes, mes petits clients, pour les personnes sceptiques. Approchez de quelque part, venez vérifier la qualité de mes ficelles, je vous rappelle. Que c'est de la ficelle synthétique. Elle s'épiloche. À l'usure, voilà, ça c'est cadeau. Bon, sérieux maintenant. Hein. On a l'iPad de gagner, on attend le 13 Pro Max encore. On insiste, on persévère. On craque surtout pas avant la ficelle, on me les termine. Allez, ça coupe. On a l'iPhone 12 pour une championne à terminer. Bon, regarde, bien ici, bien centré. Allez, bien groupé au même endroit. L'endroit le plus entamé. Bon, les jeunes, mes petits clients, ne partez pas, ne partez plus. Je vous rappelle que c'est ici que ça se passe. Je vous rappelle que c'est ici que ça gagne. Faut que ça tombe chez moi. Allez, faut me faire de la pub. Elles sont bien, bien fines. Elles sont de plus en plus fines. Elles s'épilochent à l'usure. Allez, coupez, coupez, c'est bon. Moi, je ne dis plus rien, mais on la frôle pas. Hein. Sérieux, là. On la fait pas juste bouger, on me la termine. Choisissez bien les ficelles les plus fines, surtout. Choisissez bien les ficelles les plus entamées. Allez, faut que ça tombe, faut que ça coupe, hein, faut que ça craque. Bon, on va donner un petit coup de main aussi. Hein. On a le 13 Pro Max. Oups, là. Oh là là, bien ici, regarde. Maximum du haut. L'endroit le plus entamé. Allez, visez bien, visez juste. Au même endroit. C'est parce que tu bouges fort. Là, doucement pour la baisser. On en a des bien entamés. Elles sont bien, bien fines. Je vous rappelle qu'elles s'épilochent de plus en plus, c'est à l'usure. Une seule ficelle coupée pour gagner. Alors on choisit bien les ficelles les plus entamées. On a l'enceinte Bluetooth à terminer. Allez, visez bien. Visez juste. Wow! Presse Pro Max. On la frôle pas. Mes petits clients, on la fait pas juste bouger, on la termine. Allez, ça coupe. On a eu la colonne Bluetooth, on a eu l'Xbox, on a eu l'iPad Pro, on attend l'iPhone 13 Pro Max, on a le S21. Bon alors, l'enceinte, ça dit quoi? Il l'a touché, on dirait. Allez, regarde, juste ici, dans le nœud. Visez bien, visez juste. Toujours au même endroit. On la frôle pas. Allez, on la fait pas juste bouger, on la termine. Oh là là là là là là, ils sont en forme. Ils sont en forme, mes petits clients, ils vont me dévaliser la boutique. Je vous rappelle que ça dérange pas quand ça coupe. Ça dérange pas quand ça craque. Faut absolument me faire de la pub. Allez, on me les termine. Voilà, gagné. C'est pour toi. Voilà, bien joué. Ça s'est coupé. Ça s'est gagné. Enceinte Bluetooth encore de gagné. Ça vient de tomber. Voilà, gagné. Allez, Nintendo Switch. Voilà, ça s'est gagné. Quatrième gagnant, quatrième champion. Bien ici. Les jeunes, approchez de quelque part. Choisissez bien les ficelles les plus empannées.